نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للوانج سنتا الله. Nous lui adressons donc les louanges et nous lui implorons son aide et son pardon et lui demandons protection contre les vices de nos personnes et nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, craignez pieusement Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci son épouse et qui a fait se répandre à partir d'eux beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous interpellez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez la foi, craignez pieusement Allah et proférez de bonnes paroles. Il réformera votre situation et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque aura obéi à Allah et à son messager aura certes connu la grande réussite. Amma ba'd, fa inna asdaq al hadith kitabullah wa khayr al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Cela dit, le meilleur des discours, c'est le livre d'Allah, et la meilleure des voix, c'est celle de Muhammad, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Et les pires des choses en religion sont celles qui y sont nouvellement inventées. Et toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation en religion est un égarement, tout égarement menant en enfer. Cela dit, se réunit ce soir et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire part de ses faveurs et de nous compter parmi ceux visés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: et il n'y a pas un groupe de gens qui ne se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah afin d'y réciter le livre d'Allah et de l'étudier entre eux sans que ne descende sur eux la quiétude et que la miséricorde ne les englobe, et que les anges n'abaissent leurs ailes devant eux, et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et ce soir, on va ensemble aborder un sujet d'une grande importance. Ce sujet concerne le blâme visant le fait de convoiter ce bas monde, les bienfaits de ce bas monde. Allah tabaraka wa ta'ala a à ce titre dit: man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ceux qui veulent ce bas monde et sa parure, nous les y rétribuerons selon leurs œuvres, et ils ne seront en rien lésés. Ceux-là sont ceux qui, dans l'au-delà, n'auront que l'enfer, et qui verront leurs œuvres vaines et ce qu'ils auront accompli invalide. Allah tabaraka wa ta'ala a également dit dans son noble livre: Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahum fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Et ce verset-là, d'ailleurs, il vient spécifier et restreindre la portée du premier. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: ceux qui veulent la vie présente, nous leur y précipiterons ce que nous voulons pour qui nous le voulons. C'est-à-dire en termes de récompense et de rétribution. Puis nous leur assignerons la géhenne dans laquelle ils se réfugieront blâmés et humiliés. Donc ces deux textes-là, ils contiennent le blâme visant le fait de convoiter ce bas monde éphémère. Et dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qui a été authentiquement rapporté de lui: que périsse le serviteur du dinar, que périsse le serviteur du dirham, que périsse le serviteur del khamisa, et que périsse le serviteur del khamila, qui sont deux sortes d'étoffes très prisées chez les Arabes. Et c'était là donc une image donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour désigner celui qui court derrière ce bas monde et le convoitise. Donc il disait: que périsse le serviteur du dinar, que périsse le serviteur du dirham, que périsse le serviteur del khamisa, que périsse le serviteur del khamila. Si jamais on lui octroie, il est satisfait, et si jamais on le prive, il est courroucé. Qu'il périsse et qu'il ne trouve pas le répit. Et si jamais il est touché par une épine, qu'il ne puisse pas s'en dépeguer. Qu'il périsse et qu'il soit retourné. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam dise: bonne annonce à un serviteur qui saisit les rênes de sa monture pour la cause d'Allah. Si jamais on le met sur l'avant-garde, il va à l'avant-garde. Et si jamais on le met derrière, il se met derrière. Si jamais il demande, on ne lui attribue pas. Et si jamais il intercède, on ne prend pas en considération son intercession. Donc ce sont là deux cas de figure qui ont été présentés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux profils de personnages. Le premier, c'est le profil de celui qui recherche la parure de ce bas monde. Et le second, c'est celui qui a fait de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa récompense dans l'au-delà son but à atteindre. Et on retrouve donc à nouveau dans ce texte, cette fois-ci prophétique, le blâme visant le fait de convoiter, plutôt que convoitiser, de convoiter la parure de ce bas monde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et il faut savoir d'ailleurs que la demeure dernière, celle du paradis, celle qui a été réservée par Allah tabaraka wa ta'ala à ses pieux serviteurs, celle de la félicité éternelle, elle est réservée à ceux qui ne recherchent pas les honneurs de ce bas monde. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit en présentant la demeure dernière: tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fil-ardi wa la fasada wal-'aqibatu lil-muttaqin. Voici la demeure dernière que nous réservons à ceux qui ne recherchent dans ce bas monde ni distinction ni corruption. Et la bonne fin est réservée à ceux qui craignent pieusement Allah. Il faut savoir que l'amour et la convoitise de ce bas monde se manifestent plus particulièrement dans le fait d'aimer et de convoiter honneur et richesse. Et dans ce sens, un hadith a été recueilli par l'imam Ahmed, ainsi que par l'imam An-Nasa'i, de même que par Tirmidhi et Ibn Hibban. Et c'est un hadith qui a été rapporté par Ka'b ibn Malik, qu'Allah l'agré. Selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux loups affamés, lâchés au milieu d'un troupeau de moutons, ne sont pas plus dévastateurs pour ceux-ci que ne l'est pour la religion de l'individu l'avidité qu'il éprouve à acquérir la richesse et les honneurs. Et Tirmidhi a dit de ce hadith que c'est un hadith qui est fiable et authentique. Et ce hadith-là, comme cela vous a été annoncé, il va être de manière plus particulière le sujet de cette modeste assise. Donc je le répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux loups affamés, lâchés au milieu d'un troupeau de moutons, ne sont pas plus dévastateurs pour ceux-ci que ne l'est pour la religion de l'individu l'avidité qu'il éprouve à acquérir la richesse et les honneurs. Et ce hadith, il a été rapporté par un certain nombre de compagnons, en plus de Ka'b ibn Malik. Il a été rapporté par Ibn Umar, il a été rapporté par Ibn Abbas, par Abu Huraira, Usama ibn Zayd et d'autres parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on trouve dans ces différentes transmissions certaines variantes. On a vu donc dans la version rapportée par Ka'b ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de deux loups affamés lâchés au milieu d'un troupeau. Et dans une autre version, il est rapporté deux loups féroces. Et il est précisé qu'il passe la nuit au milieu de moutons. Et il est également précisé que le berger censé garder ses moutons s'est absenté. Et on trouve à la place de l'avidité qui est mentionnée, l'amour, ce qui est proche. Donc dans cette variante, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux loups féroces ayant passé la nuit au milieu de moutons dont le berger fut absent ne sont pas plus dévastateurs pour les gens que ne l'est pour sa religion l'amour que le croyant éprouve pour les honneurs et la richesse. Le terme honneur ici, que l'on peut également traduire par la notoriété. Il faut savoir que c'est là une parabole, que c'est là une image, que c'est là un exemple donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'illustrer quelque chose de concret. Il aurait pu dire alayhi salatu wa salam que l'amour des honneurs et de la richesse est dévastateur pour la religion du musulman, ou des propos allant dans ce sens. Mais il a choisi, sallallahu alayhi wa sallam, d'utiliser cette image-là. Car les images, les paraboles, elles ont pour impact de faire que l'auditeur va être plus attentif et plus réceptif et va de ce fait mieux retenir l'enseignement transmis par celui qui se prononce, en l'occurrence ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve donc ici cette parabole, cette image, cet exemple donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: deux loups affamés, lâchés au milieu d'un troupeau de moutons, ne sont pas plus dévastateurs pour ceux-ci que ne l'est pour la religion de l'individu l'avidité qu'il éprouve à acquérir la richesse et les honneurs. Question peut se poser ici: deux loups affamés, de loups féroces qui sont lâchés dans un troupeau de moutons, qui sont lâchés de nuit. Le berger est absent. Que va-t-il rester de ce troupeau? Que va-t-il rester de ces moutons? Il va rester que très peu de choses. Et il en est de même pour la religion du musulman. Pour la religion de l'individu qui est éprouvé par l'avidité qu'il éprouve pour les honneurs et les richesses de ce bas monde. Il est même possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve, que cet amour et cette avidité éradiquent complètement la religiosité de l'individu en question, et ce, si cette avidité et cet amour le mènent à accomplir certains annulatifs de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Afin d'aborder ce hadith et son étude, on va essayer de manière résumée de restituer certains enseignements contenus dans le commentaire apporté par l'érudit Ibn Rajab al-Hanbali, grand savant du 8e siècle de l'Hégire. En effet, il a commenté ce hadith et son commentaire a été édité. Et son commentaire a même été commenté par certains ulama, parmi lesquels le Cheikh Mohammed Ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Et le commentaire d'Ibn Rajab a également été traduit en langue française. C'est le livre donc que vous voyez ici, Na'am, et la traduction est apparemment relativement bonne. Et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant. Il faut savoir que le fait de convoiter l'argent, étant donné que nous avons vu que le prophète alayhi salatu wassalam a ici blâmé, par cette parabole qu'il a donnée, il a blâmé le fait de convoiter honneur et richesse. Le fait de convoiter les richesses se présente sous deux aspects, comme l'a expliqué Ibn Rajab. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le premier de ces deux aspects, c'est le fait d'aimer considérablement l'argent en mettant en œuvre les moyens permis pour l'obtenir, en cherchant démesurément à se l'approprier et s'appliquer à l'obtenir et à le gagner par de multiples moyens, tout en fournissant des efforts et en supportant les difficultés pour arriver à cela. C'est là donc la première forme d'avidité vis-à-vis de l'argent. Et un peu plus loin, il aborde la deuxième forme qui est d'autant plus blâmable qu'elle correspond au fait d'éprouver de l'avidité vis-à-vis de l'argent au point de chercher fortune par des moyens illicites et de refuser de s'acquitter de ses devoirs pécuniaires. Et ceci fait partie de l'avarice blâmable. Donc ici, Ibn Rajab a soulevé deux cas de figure visés par l'avidité relative aux richesses et aux biens de ce bas monde, qui sont tous deux blâmables. Ils sont toutes deux blâmables, mais la deuxième forme d'avidité est encore plus blâmable et répréhensible que la première. Nous avons donc dit que la première forme d'avidité vis-à-vis de l'argent correspond au fait de l'aimer considérablement en mettant en œuvre les moyens permis pour l'obtenir, en cherchant démesurément à se l'approprier et s'appliquer à l'obtenir et à le gagner par de multiples moyens, tout en fournissant des efforts et en supportant les difficultés pour arriver à cela. Ibn Rajab de dire, après avoir quelque peu développé ce sujet, ceci dit, si l'avidité d'argent n'avait que pour seul inconvénient celui de faire perdre à la personne le temps précieux que représente la durée de sa vie, temps qui est inestimable, cela suffirait en lui-même pour que cette avidité soit blâmable. Et il a donc cité certains textes allant dans ce sens, notamment ce qui a été dit jadis par certains de nos pieux prédécesseurs, dépenser ses jours à accumuler fortune pour fuir la misère est en soi une misère. Et il a été rapporté avant cela d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, qu'il a dit: la certitude, c'est que tu ne satisfasses pas les gens au prix de déplaire à Allah, et que tu n'envies aucune personne pour les biens qu'Allah lui a pourvus, et que tu ne blâmes personne pour les biens qu'Allah ne l'a pas donné, ne t'a pas donné. Et ce, car les biens ne s'acquièrent pas grâce à l'avidité de l'homme avide, et la haine du haineux ne peut empêcher que ceci te parvienne. Dans sa justice, Allah a joint la joie et le bonheur à la certitude et à la satisfaction. La joie et le bonheur, le bien-être, Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa justice, dans sa sagesse, il les a joints, il les a liés à la certitude et à la satisfaction, dans le fait que tu aies cette certitude en Allah tabaraka wa ta'ala, que c'est lui qui te fait parvenir les effets de sa miséricorde et qui te fait parvenir sa subsistance, et que tu te satisfasses de cela, et que tu ne cherches pas outre mesure à obtenir les biens de ce bas monde. Puis Ibn Mas'ud a dit, par contre, il a joint, c'est-à-dire il a lié les remords et les regrets, c'est-à-dire l'inverse du bonheur et de la certitude et du bien-être. Par contre, il a joint, il a lié les remords et les regrets au doute, l'inverse de la certitude, et à l'insatisfaction, l'inverse de la satisfaction. L'insatisfaction qui fait que l'individu en veut toujours plus, et qu'à chaque fois qu'il en vient à posséder, il cherche à posséder encore et encore, et c'est ainsi qu'il va être tourmenté et pris de remords et de regrets. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Ibn Rajab a également fait mention d'un certain nombre de paroles éblouissantes de certains de nos pieux prédécesseurs, et parmi ce qu'il a rapporté, une parole d'un d'entre eux qui met en évidence le fait que l'avidité est de deux sortes. Il y a une avidité qui est tragique et une avidité qui est féconde. Une avidité qui est tragique dans le sens où ses répercussions sont mauvaises sur la personne avide. Et une avidité qui est féconde dans le sens où ses répercussions sont bonnes et bénéfiques sur la personne qui fait preuve d'avidité. L'avidité féconde consiste, c'est-à-dire celle qui est bénéfique, consiste à s'investir dans l'obéissance d'Allah. Tandis que l'avidité tragique s'incarne dans l'avidité que l'individu porte au matériel. La personne avide de biens matériels est éprouvée, et elle a l'esprit préoccupé. Elle n'éprouve aucune joie et aucun plaisir à amasser, car son esprit est préoccupé. Elle ne peut se détacher de l'amour qu'elle porte pour les choses de ce monde et se consacrer à son au-delà, du fait qu'elle s'occupe de ce qui est éphémère et néglige ce qui est éternel. Et nous avons vu donc que la seconde forme d'avidité blâmable, c'est, comme nous l'avons dit, le fait d'être avide d'argent, de biens et de richesses, au point de chercher fortune par des moyens illicites et de refuser de s'acquitter de ses devoirs pécuniaires, c'est-à-dire les devoirs liés à l'argent, tels que la zakat ou autres parmi les devoirs liés à l'aspect pécunier, financier. Et ceci fait partie de l'avarice blâmable, comme l'a dit Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et quiconque a été protégé contre la cupidité de son âme, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon Abdullah ibn Amr ibn al-As qu'il a dit: éloignez-vous de la cupidité, c'est-à-dire craignez la cupidité, protégez-vous de la cupidité, car elle a fait périr ceux qui vous ont précédé. Elle leur a ordonné de rompre les liens de sang et ils les ont rompus. Elle leur a ordonné d'être avares et ils sont devenus avares. Puis elle leur a ordonné d'être débauchés et ils sont devenus débauchés. Également le prophète alayhi salatu wassalam a dit, selon ce qu'a rapporté de lui Jabir: éloignez-vous, craignez, protégez-vous de la cupidité, car elle a fait périr ceux qui vous ont précédés. Elle les a incités à verser le sang et à attenter à l'honneur des uns et des autres. Donc nous voyons ici le blâme contenu dans les textes visant la convoitise, la cupidité et l'avarice. Sachant que l'avarice consiste à ne pas dépenser son argent. Une personne avare, c'est une personne qui cherche à coûte que coûte à ne pas dépenser son argent du fait qu'elle est touchée par l'avarice. Quant à la cupidité, donc l'avarice c'est al-bukhl, en arabe. Quant à la cupidité, al-shuh, elle consiste à ce que l'individu s'empare d'une manière injuste et agressive de ce qui ne lui appartient pas, tel que l'argent ou autre. Et évidemment, il nous est demandé religieusement de nous écarter de ces deux traits de caractère blâmables que sont l'avarice, consistant à ne pas dépenser son argent coûte que coûte, et la cupidité, consistant à ce que l'individu s'empare d'une manière injuste et agressive de ce qui ne lui appartient pas, tel que l'argent ou autre, comme l'a expliqué ici Ibn Rajab. Un peu plus loin, Ibn Rajab lui-même a soulevé le fait que dans l'usage, la cupidité, al-shuh, peut éventuellement avoir le sens de l'avarice, al-bukhl, et inversement, bien qu'en principe, il existe une distinction entre les deux termes, comme nous l'avons souligné. Donc, il faut que tu saches qu'il y a une distinction à faire entre al-bukhl, l'avarice, et al-shuh, la cupidité. Mais sache également que parfois, chacun de ces deux termes peut revêtir le sens de l'autre, et cela apparaît selon le contexte dans lequel ces termes sont utilisés. Puis, Ibn Rajab a abordé le cas de ce deuxième loup menaçant la religion du musulman. Le premier loup, c'était lequel? C'était celui de l'avidité relative aux biens et aux richesses de ce bas monde. Et on a vu qu'elle était de deux sortes. Les deux sont blâmables et répréhensibles. Mais la seconde l'est encore plus que la première. Et le second loup, c'est celui correspondant à la recherche des honneurs et de la notoriété. Ibn Rajab a dit, en introduction de son explication de ce deuxième fléau, de cette deuxième maladie, il a dit: rechercher les honneurs est plus nuisible pour l'individu que rechercher la fortune. Rechercher les honneurs et la prééminence dans la vie terrestre, vouloir commander les gens et vouloir leur être supérieur dans la vie terrestre, est plus nuisible pour la personne que le simple fait de rechercher à acquérir l'argent. Les méfaits du pouvoir et des honneurs sont pires, et y renoncer est plus difficile, et ce car l'argent est dépensé en vue de les obtenir. Et c'est dans ce sens-là donc que la recherche des honneurs et de la notoriété et de la puissance et du pouvoir dans ce bas monde est encore plus nuisible que l'avidité relative aux biens et richesses de ce bas monde. Car l'avidité relative aux biens et richesses de ce bas monde, en vérité, est un moyen qui mène à cette notoriété. Et au fait de rechercher cette notoriété et ces honneurs. Ce qui montre donc que cette recherche d'honneur et de notoriété, de suprématie, de pouvoir, de réputation, est le but recherché par celui qui va faire preuve d'avidité vis-à-vis des biens de ce bas monde. Ibn Rajab d'expliquer qu'il existe deux façons de rechercher les honneurs. Premièrement, chercher les honneurs à travers le règne, l'autorité et la fortune. Et ceci est très dangereux, car en général, cela prive du bien, des honneurs, de la dignité et de la gloire dans l'au-delà. Puis un peu plus loin, il a abordé la deuxième façon de rechercher les honneurs de ce bas monde, en disant qu'Allah lui fasse miséricorde. Que c'est là le fait de rechercher les honneurs dans ce bas monde à travers le savoir, les actes et l'austérité. L'austérité, c'est-à-dire l'ascétisme. Le fait que la personne en vienne à rechercher les honneurs de ce bas monde, non pas à travers le règne, l'autorité et la fortune, comme c'est le cas dans cette première façon qui a été mentionnée ici, mais cette fois-ci à travers le savoir, les œuvres en apparence pieuses et l'austérité, c'est-à-dire l'ascétisme. Et ce cas de figure est plus pervers que le premier. Il est aussi plus mauvais, plus dévastateur et bien plus dangereux. Car en principe, à travers ces trois points, qui c'est qui peut me récapituler les trois points ? Savoir. Les actes en apparence pieux et l'austérité, c'est-à-dire l'ascétisme. Car en principe, à travers ces trois points, on cherche à accéder au rang dans l'au-delà et à en obtenir les plaisirs. De même que l'on recherche également à être proche et à proximité de son Seigneur. Soufiane Thaouri a dit, certes, la science a été favorisée sur toute chose, car elle permet d'accéder à la crainte d'Allah. Sinon, elle aurait été mise au même niveau que toutes les autres choses. Ibn Rajab de dire, si à travers ces moyens, le savoir, les actes, les œuvres pieuses et l'austérité, la personne cherche à obtenir un quelconque intérêt matériel éphémère, cela ou cette recherche se présente également sous deux aspects. Et il a abordé donc ces deux aspects. Le premier de ces deux aspects, c'est si elle se sert de cela comme moyen pour gagner de l'argent. Et le deuxième aspect, et nous allons y revenir, Inch'Allah, c'est s'il s'en sert pour être supérieur aux gens et qu'il recherche par leur biais l'obéissance des gens, leur soumission, et qu'il lui donne de l'importance et qu'il de surcroît leur montre qu'il possède plus de science que les savants dans l'intention de professer sa supériorité sur ces derniers. Une telle personne est promise à l'enfer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Donc Ibn Rajab a expliqué le fait qu'il y a deux façons de rechercher les honneurs et la notoriété, la réputation dans ce bas monde. Et nous avons dit donc que la première de ces façons, c'est le fait de rechercher les honneurs à travers le règne, l'autorité et la fortune. Et ceci est très dangereux. Et nous avons déjà eu l'occasion de faire mention du verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Tilka darul akhira » نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Telle est la demeure de l'au-delà que nous réservons à ceux qui ne recherchent ni la supériorité sur terre ni à y semer la corruption, alors que la fin heureuse est destinée à ceux qui craignent pieusement Allah. Ibn Rajab de dire, peu nombreux sont les personnes qui convoitent le règne en cherchant à obtenir le pouvoir et qui réussissent. Mais en fait, elles sont livrées à elles-mêmes. Et ce, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Samura, qu'Allah l'agré. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam à Abdurrahman ibn Samura? Il lui a dit, oh Abdurrahman, ne sollicite pas le pouvoir. Car si tu l'obtiens en l'ayant demandé, tu seras livré à toi-même. Par contre, si tu l'obtiens sans le demander, tu seras assisté dans celui-ci. Le noble cheikh Mohammed Ibn Hadi Al-Matrani d'expliquer ici la cause de cela. Il a expliqué que si tu obtiens le pouvoir en l'ayant demandé, avant d'obtenir ce pouvoir, tu vas devoir passer par une étape qui est que les gens qui t'accordent ce pouvoir-là vont t'imposer des conditions. Et c'est ainsi que tu vas t'être livré à toi-même et que tu ne seras pas maître de tes agissements réellement. Alors que si tu l'obtiens sans le demander, c'est-à-dire que ce sont les gens qui viennent et qui te sollicitent afin que tu les diriges, c'est toi cette fois-ci qui va poser tes conditions. Et qui va poser comme condition, si tu fais partie de ceux qui recherchent à établir la vérité, à ordonner le convenable et à condamner le blâmable, eh bien tu auras à ce moment-là la possibilité de poser tes conditions et ainsi tu agiras par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala conformément à ce qu'il t'a demandé. Ibn Rajab de continuer en disant, un prédécesseur a dit, personne n'ayant cherché à obtenir le pouvoir n'a fait preuve de justice après l'avoir obtenu. Et ça vise, barakallahu fikum, les individus de manière particulière, mais également les groupes. Naam. Et parmi les groupes contemporains, il n'y a pas de meilleur exemple pour illustrer ces propos-là, bien que ça soit un pitoyable exemple, que l'exemple de l'Ikhwan al-Muslimoun. Les frères musulmans qui recherchent le pouvoir et qui en font leur cheval de bataille et qui prétendent qu'une fois qu'ils auront le pouvoir, ils vont établir la justice et la religion sur terre, alors qu'en réalité, lorsqu'ils l'obtiennent, il n'en est rien. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de leurs mots. Et Ibn Rajab de continuer en faisant mention donc d'un certain nombre de textes allant dans ce sens, et je vous invite donc à revenir à l'original. Parmi ces textes-là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit, certes vous allez être avide de pouvoir, mais celui-ci sera source de regret le jour de la résurrection. Quelle bonne nourrice qui allaite et quelle mauvaise nourrice qui sèvre, que représente le pouvoir? C'est une image là aussi qui est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pouvoir, c'est une bonne nourrice quand il s'agit d'allaiter, mais c'est une mauvaise nourrice lorsqu'il s'agit de sevrer. Et ce hadith, il a été rapporté, recueilli par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique. Toujours d'après al-Bukhari, selon Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah l'agré, deux hommes dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, fais de nous des gouverneurs. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, inna la nuwalli amrana hadha man sa'alahu wa la man harasa alayhi. Nous n'investissons de notre autorité ni celui qui la réclame, ni celui qui en est avide. Je répète vu l'importance des propos. Nous n'investissons de notre autorité ni celui qui la réclame, ni celui qui en est avide. Et nous autres adeptes de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans prétention ni vanité, nous reprenons ces propos de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous disons à toute personne qui cherche à s'immiscer dans nos affaires et qui cherche à obtenir le pouvoir et la direction et qui en est avide, nous n'investissons de notre autorité ni celui qui la réclame, ni celui qui en est avide. Et c'est là une leçon de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous devons retenir, méditer et assimiler. Ibn Rajab de dire en commentaire, sachez que rechercher les honneurs engendre des préjudices immenses qui s'incarnent dans les moyens mis en œuvre pour y accéder, mais aussi dans le sentiment d'orgueil, d'injustice et d'autres perversions qui habitent l'individu une fois qu'il accède au pouvoir. Et suite à cela, Ibn Rajab a fait mention d'une longue, d'un long passage d'un livre d'une grande valeur écrit par l'imam Abu Bakr al-Ajurri, qui figure parmi les grands érudits pieux du début du 4e siècle. Ce passage, il est tiré de son livre « Akhlaq al-Ulama » et c'est un passage très instructif. Je vous invite à y revenir étant donné qu'il est relativement long. Après avoir mentionné cela et après avoir fait mention d'un certain nombre de formes de convoitise liée à l'honneur et à la notoriété, Ibn Rajab a dit, c'est pourquoi les grands savants, bien guidés, interdisaient qu'on les complimente pour leurs bonnes œuvres et pour leur bienfaisance envers autrui. Avant cela, il a fait mention d'un certain nombre de formes de recherche d'honneur et de notoriété et de réputation. Et ensuite, il a dit, c'est pourquoi les grands savants bien guidés interdisaient qu'on les complimente pour leurs bonnes œuvres et pour leur bienfaisance envers autrui. Ils ordonnaient que l'on attribue le mérite à Allah seul, qui n'a point d'associé, étant donné que c'est lui qui est à l'origine de tous les bienfaits. Et il a illustré cela en faisant mention de certains récits relatés dans l'époque de Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibn Rajab a dit, Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, était très scrupuleux sur ce point. Il était très attentif à ce point. Une fois, il adressa un message aux habitants d'une certaine contrée qui fut lu en public et dans lequel il ordonnait de faire régner la bienfaisance et d'éteindre les injustices qui s'étaient répandues parmi eux. Il disait entre autres, c'est-à-dire Omar ibn Abdelaziz, pour tout cela, c'est-à-dire les recommandations qui ont précédé et les conseils, ne louez qu'Allah. Car s'il m'avait livré à moi-même, j'aurais été quelqu'un, une personne parmi tant d'autres. En le sens, ne faites pas mes éloges à moi, mais louez plutôt Allah, tabaraka wa ta'ala, car le mérite lui revient, étant donné que c'est lui qui est à l'origine de ses bienfaits. Ibn Rajab de continue en disant, stipulons également son histoire avec la femme qui lui demanda de lui accorder une pension pour ses 4 filles orphelines. Il accorda une pension pour 2 d'entre elles et la mère loua le Seigneur. Ensuite, lorsqu'il accorda une pension à la 3e fille, elle lui adressa les remerciements à lui, c'est-à-dire à Omar ibn Abdelaziz. Alors à ce moment-là, il s'exclama et lui dit, nous accordions une pension à tes filles tant que tu as adressé les louanges à celui qui en est digne, c'est-à-dire Allah. Mais maintenant, tu n'as qu'à demander à tes 3 filles de venir en aide à la 4e. Tel est plus ou moins le sens de ces paroles. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée et lui fasse miséricorde. Suite à cela, un peu plus loin, Ibn Rajab a dit, la seule ambition de ceux qui aiment leur Seigneur, c'est de parvenir à ce que les créatures aiment Allah, qu'ils lui obéissent, qu'ils l'adorent lui seul et qu'ils considèrent qu'il est la seule divinité digne d'être adorée. Alors que dire de celui qui ose lui disputer un de ses attributs? Donc il a fait là une comparaison entre ceux qui aiment Allah tabaraka wa ta'ala et leur motivation, leur seule et unique motivation et ambition, c'est de parvenir à ce que les créatures aiment Allah, qu'ils lui obéissent ou qu'elles lui obéissent, qu'elles l'adorent seule et qu'elles le considèrent comme étant la seule divinité djinn d'être adorée, subhanahu wa ta'ala. et Ibn Rajab de faire mention d'un certain nombre de textes allant dans ce sens, notamment la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle il dit « Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allah al-kitaba wal-hukma wal-nubuwa thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Il n'appartient pas à un humain auquel Allah a donné le livre, la loi et la prophétie de dire ensuite aux hommes adorez-moi et n'adorez pas Allah, mais soyez plutôt des guides pour avoir enseigné le livre et pour l'avoir étudié. Il ne vous prescrit pas non plus de prendre pour seigneur adorer les anges et les prophètes. Vous commanderait-il l'incroyance après que vous eûtes été musulman? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et cela va dans ce sens également, ne me faites pas des éloges à outrance comme l'ont fait les chrétiens avec Jésus, le fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, alors appelez-moi simplement le serviteur d'Allah et son messager. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, en blâmant celui qui se comportait ainsi avec lui, lorsqu'il s'adressait à lui comme il le fit lorsqu'il dit « Ne dites pas si Allah le veut et si Mohammed le veut, mais dites plutôt, excusez-moi. » Le prophète alayhi salatu wassalam est en train ici de réprouver ou de réprimander une personne qui, en parlant d'un événement qui s'était passé, avait dit « C'est comme Allah l'a voulu et comme tu l'as voulu. » Il a dit « Ne dites pas c'est comme Allah l'a voulu et Mohammed l'a voulu, mais dites plutôt c'est comme Allah l'a voulu puis comme Mohammed l'a voulu. » Donc en faisant cette distinction et en ne mettant pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le prophète alayhi salatu wa sallam rétorqua à celui qui a dit c'est comme Allah et toi l'avais voulu. Il a dit m'as-tu rendu égal à Allah? Dis plutôt c'est comme Allah seul l'a voulu. Ibn Rajab de dire, à partir de cette base, les successeurs des prophètes et leurs disciples parmi les gouverneurs justes, ainsi que leurs sujets et leurs juges, n'invitaient nullement les gens à les flatter, mais ils les incitaient à adorer Allah uniquement et à lui vouer un culte exclusif. Certains d'entre eux n'étaient attirés par le pouvoir qu'uniquement parce qu'ils voyaient en lui un moyen d'appeler les gens à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but restait celui exposé précédemment, à savoir que les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala l'aiment, l'adorent exclusivement. Ibn Rajab continue en disant, certains pieux qui prenaient la fonction de juge disaient, si j'ai pris cette fonction c'est pour qu'elle me soit une aide pour ordonner le bien et condamner le mal. C'est pour cette raison que les prophètes et leurs disciples patientaient face au mal qu'ils subissaient lorsqu'ils propageaient leur message. Ils enduraient les pires peines afin que les hommes appliquent les commandements d'Allah. Ils ne se contentaient pas seulement d'endurer une telle situation, mais de surcroît, ils s'y résignaient. Celui qui aime est capable de prendre plaisir aux difficultés en vue de plaire à son bien-aimé. Ibn Rajab ensuite d'illustrer cela par des exemples et des récits rapportés de nos pieux prédécesseurs jusqu'à ce qu'il en vint à la deuxième façon également répréhensible de rechercher les honneurs de ce bas monde. J'ai dit qu'elle est également répréhensible, en vérité elle l'est encore plus. Et elle correspond au fait d'aimer les honneurs et d'aimer être religieusement supérieur aux gens, soit par la science, soit par les actes, soit par l'austérité, c'est-à-dire l'ascétisme. Et ce cas de figure est plus pervers que le premier. Il est aussi plus mauvais, plus dévastateur et bien plus dangereux, car en principe, à travers ces trois points, on cherche à accéder au haut rang dans l'au-delà et à en obtenir les plaisirs, de même que l'on recherche à être proche et à proximité de son Seigneur. C'est là la base. La personne, lorsqu'elle cherche à acquérir le savoir religieux, lorsqu'elle cherche à œuvrer, ou lorsqu'elle cherche à faire preuve d'ascétisme, elle est censée le faire afin d'obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. Et le fait de venir rechercher autre que cela par ses agissements est donc plus que répréhensible et est encore plus pervers que le fait de rechercher les honneurs et la notoriété dans ce bas monde par le biais du pouvoir, du règne et de la suprématie. Et comme nous l'avons dit, Sufyan al-Thawri a dit, certes la science a été favorisée sur toute chose car elle permet d'accéder à la crainte d'Allah, sinon elle aurait été mise au même niveau que toutes les autres choses. Et Ibn Rajab de continuer en disant, si à travers ces moyens la personne cherche à obtenir un quelconque intérêt matériel éphémère, cette recherche se présente également sous deux aspects. Le premier de ces deux aspects, c'est le fait de rechercher par ces moyens-là, c'est-à-dire par le savoir, par les œuvres pieuses ou par l'ascétisme, l'austérité, à gagner de l'argent. À ce sujet, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque apprend une science avec laquelle on aspire à l'agrément d'Allah, mais qu'il apprend uniquement pour obtenir un intérêt matériel, ne sentira pas le parfum du paradis le jour de la résurrection. Et le deuxième des aspects, comme nous l'avons annoncé précédemment, c'est le fait de rechercher à travers la science, le savoir, les pratiques religieuses et l'ascétisme, le pouvoir pour être supérieur aux gens, et chercher par leur biais l'obéissance des gens, leur soumission, et qu'ils donnent de l'importance à l'individu et qui de surcroît leur montre qu'ils possèdent plus de science que les savants dans l'intention de professer sa supériorité sur ces derniers. Une telle personne est promise à l'enfer. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah fera entrer en enfer quiconque aura cherché à acquérir la science pour se disputer avec les faibles d'esprit, pour rivaliser avec les savants ou pour attirer l'attention des gens vers lui. Et il a également dit, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, ne cherchez à acquérir la science ni pour vous mesurer aux savants, ni pour vous disputer avec les faibles d'esprit, ni pour impressionner vos assemblées, car quiconque fera cela est promis à l'enfer. Et les exemples et les textes allant dans ce sens sont nombreux. À titre d'exemple, Ibn Mas'ud disait, ne cherchez pas à acquérir la science pour les trois choses suivantes: pour vous disputer avec les faibles d'esprit, pour polémiquer avec les ulama, ou pour attirer sur vous l'attention des gens. À travers vos paroles et vos actes, cherchez plutôt à obtenir ce qui existe auprès d'Allah, car cela est éternel, alors que tout le reste est voué à disparaître. Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Basri, disait, lorsque l'un d'entre vous cherche à acquérir la science, il ne faut pas que son intention soit d'être qualifié de savant par les gens. Et selon certains textes, Isa, c'est-à-dire Jésus, le fils de Marie, a dit, comment celui qui cherche à acquérir la science pour l'enseigner et qui ne cherche pas à l'acquérir pour la mettre en pratique peut-il être considéré comme homme de science? Isa, fils de Marie, dénonçait ici le fait d'apprendre pour enseigner, le fait d'apprendre pour apprendre, le fait d'apprendre pour enseigner, et non pas pour en tirer profit. Quelle est l'intention qui doit t'animer lorsque tu cherches à acquérir la science? Cette intention, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sa récompense dans l'au-delà, doter l'ignorance qu'il y a en toi, et par la suite ôter l'ignorance qu'il y a chez ton prochain, participer à la diffusion de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, répliquer aux attaques adressées à la religion par ses ennemis. Naam. Mais premièrement, donc, c'est cela, la sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, suivi du fait de tirer profit soi-même, que cette science-là se traduise en réforme, que cette science-là, cet apprentissage-là se traduise en mise en application. Ibn Rajab, de continuer en disant, un prédécesseur a dit, il nous a été rapporté que celui qui étudie la science du hadith uniquement pour l'enseigner ne sentira pas l'odeur du paradis. Ibn Rajab de dire en commentaire, cela concerne celui qui étudie cette science uniquement pour l'enseigner et non pas pour la mettre en pratique. Et nous avons vu que la personne qui chercherait à tirer profit dans un premier temps de la science qu'elle étudie et qui par la suite chercherait à en faire profiter autrui n'est pas visée bien sûr par le blâme soulevé ici. Dans ce sens, notons que les pieux prédécesseurs éprouvaient de l'aversion à émettre avec témérité des fatwas et être avides de les émettre, à s'y empresser et d'en émettre beaucoup. Ici, Ibn Rajab a basculé sur le sujet de la fatwa, car le fait de chercher avec témérité à émettre des fatwas et être avide de cela, à s'y empresser et en émettre beaucoup, est un signe qui montre et qui indique que la personne, en vérité, si elle a appris le savoir qu'elle a appris, c'est pour l'enseigner. Et ce n'est pas pour en tirer profit elle-même, dans un premier temps. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus prompt d'entre vous à émettre une fatwa est le plus prompt à s'exposer à entrer en enfer. Al-Qama a dit, les anciens disaient, le plus prompt d'entre vous à émettre une fatwa est celui qui a le moins de science. Al-Bara a dit, sur les 120 auxiliaires, les auxiliaires ce sont les Ansar, ceux qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui avaient émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Donc Al-Bara a dit, sur les 120 auxiliaires parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que j'ai rencontré, chacun de souhaiter lorsqu'il lui était adressé une question que son frère se charge d'y répondre. Dans une version figurent les termes suivants: chacun d'eux renvoyait le questionneur à un autre, qui lui-même le renvoyait à un autre, jusqu'à ce qu'il revienne au premier à qui il avait posé la question. Ibn Mas'ud a dit, celui qui émet des fatwas aux gens sur toutes les questions que ce dernier lui pose est un fou. Et combien sont nombreux les fous en notre époque? Combien de gens s'empressent à répondre lorsque la question lui est posée? Son souci premier, c'est d'apporter une réponse. Peu importe si elle va être valable ou pas, l'important c'est de répondre, ne pas perdre la face, comme on dit, excusez-moi l'expression. Alors qu'en vérité, comme nous allons le voir, le premier des soucis de celui à qui une question est posée, ce doit être de se sauver. Un savant a dit un jour à un mufti, lorsqu'une question t'est adressée, ton souci premier ne doit pas être celui de sauver le questionneur, mais qu'il soit tout d'abord de te préserver toi-même. Al-Rabi' Ibn Khuthaym a dit, oh vous les muftis, faites bien attention à vos fatwas. Amr ibn Dinar a dit à Qatada, quand ce dernier remplit la fonction de mufti, connais-tu la fonction dans laquelle tu t'es engagé lorsque tu te mets entre Allah et ses serviteurs en disant que telle chose est licite et que telle chose ne l'est pas? On rapporte d'un autre parmi nos pieux prédécesseurs. Il a dit, le savant s'interpose entre Allah et ses créatures, alors qu'il fasse attention à la façon de s'interposer entre eux. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a écrit un livre dans lequel il a exposé les règles et les conditions et les bienséances relatives au fait de délivrer des fatwas, il a appelé son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Annonce qui est faite aux dépositaires qui ont signé pour le Seigneur souverain des mondes. C'est une image qui est donnée ici par Ibn al-Qayyim dans son titre, mettant en avant le fait que celui qui émet une fatwa, c'est comme s'il était en train de signer au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, ils craignaient le fait de délivrer des fatwas. Lorsqu'Ibn Sirin était interrogé sur une question portant sur le licite et l'illicite, son visage changeait littéralement de couleur à tel point qu'il donnait l'impression d'être une autre personne. Lorsqu'un Nakhai était questionné, l'aversion apparaissait sur son visage et il disait à celui qui le questionnait, tu n'as trouvé personne d'autre que moi qui posait ta question. Il disait, j'ai effectivement parlé, mais si j'avais pu ne pas parler, je l'aurais fait. L'époque où je serai considéré comme étant le mufti des habitants de Koufa sera une mauvaise époque. Il parlait de lui-même. Qu'Allah lui fasse miséricorde. On rapporte que lorsqu'on posait une question à Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, il donnait l'impression de se tenir entre le paradis et l'enfer. Après avoir mentionné toutes ces paroles, et certaines je ne les ai pas citées, Ibn Rajab a dit, les paroles des anciens à ce sujet sont si nombreuses qu'il serait trop long de les mentionner et de les étudier profondément. Et certaines ont été mentionnées par Ibn al-Jawzi dans son livre Ta'zim al-Futiya. Et toujours dans ce registre, Naam, on peut mentionner c'est-à-dire dans le registre du blâme visant le fait de rechercher les honneurs et la notoriété. Ibn Rajab a dit dans ce registre, on notera également qu'il est détestable que l'individu cherche à se faire connaître auprès des gens de par son savoir, son austérité ou sa pratique religieuse, ou encore en exhibant, c'est-à-dire en mettant en avant ses œuvres, ses paroles, ses miracles, afin que les gens viennent lui rendre visite pour recevoir sa bénédiction, pour lui demander de faire des invocations en leur faveur, et pour lui baiser la main, alors que ce dernier aime cela et s'en réjouit, et qu'il s'empresse d'y accéder par tous les moyens qui lui permettent. Il a été rapporté que Daoud al-Ta'i demanda à un homme qui rentra chez lui, « Qu'est-ce qui t'amène ?» Une personne est venue lui rendre visite. Daoud lui a dit, « Qu'est-ce qui t'amène ?» La personne lui a dit, « Je suis venu te rendre visite. » Daoud al-Ta'i lui a alors dit, « En ce qui te concerne, tu as fait un bien, car tu as rendu visite à quelqu'un pour Allah. » Quant à moi, je dois trouver la réponse que je donnerai demain, lorsqu'il me sera demandé « Qui es-tu » pour que l'on te rende visite. Es-tu un ascète ? Non, par Allah, je n'en suis pas un. Es-tu un dévot ? Non, par Allah, je n'en suis pas un. Es-tu un vertueux ? Non, par Allah, je n'en suis pas un. Et ainsi de suite. Et il fit la liste des belles qualités que l'on peut trouver chez un homme, puis il se mit à se blâmer lui-même en s'exclamant « Ô Daoud ! Étant jeune, tu étais un débauché. Serais-tu devenu en vieillissant un ostentateur, alors que cela est encore pire que la débauche ?» Regarde donc ici cette humilité, regarde donc ici cette modestie. Toujours dans ce sens, il a été rapporté de certains de nos pieux prédécesseurs qu'ils disaient, si les péchés avaient une odeur, alors personne ne pourrait s'asseoir auprès de moi. Et toujours donc, dans ce sens-là, d'autres paroles et récits ont été rapportés de nos pieux prédécesseurs, je vous invite à les retrouver dans ce livre-là. Ibn Rajab, un peu plus loin, a dit « Ce domaine est très vaste. » Mais voici une constatation très subtile. En effet, il arrive que l'individu se blâme en public afin de montrer aux gens sa modestie. Mais en fait, de cette manière, la considération qu'ils ont pour lui augmente et ils le complimentent pour cela. Et ceci est en fait un point très subtil de l'ostentation sur lequel les pieux prédécesseurs ont attiré l'attention. Certaines personnes sont véridiques lorsqu'elles font ouvertement preuve de modestie et d'humilité, comme c'est certainement le cas des personnages éminents que nous avons mentionnés. Mais il est d'autres personnes qui, en vérité, lorsqu'elles se font des reproches en public, ne cherchent qu'à s'attirer les éloges d'autrui. Car les personnes qui entendent ce discours-là, en vérité, elles vont en sortir avec le fait qu'un tel est humble, un tel est modeste, et ils vont ainsi en faire les éloges. Et c'était cela que recherchait cette personne-là, peut-être sans s'en rendre compte. Et c'est donc là quelque chose de plus que répréhensible qui relève de l'ostentation qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir a dit, pour se vanter, il suffit de se dénigrer en public. Car en réalité, se dénigrer en public signifie vouloir s'embellir, ce qui auprès d'Allah est tout à fait absurde. En conclusion, on retiendra que ces traits de caractère-là sont plus que blâmables, répréhensibles et nuisibles, à savoir le fait de rechercher honneur, notoriété, réputation, bien et richesse de ce bas monde. Et on a eu l'occasion d'expliquer quelque peu tout cela, et je vous invite donc encore une fois à revenir pour plus de détails et de développement d'explications au livre d'Ibn Rajab. Il faut savoir que concurrencer son prochain est de deux sortes. Il y a une forme de concurrence qui est louable, et il en est une autre qui, quant à elle, est blâmable. Celle qui est louable correspond au fait de concurrencer son prochain dans ce qui est lié à l'au-delà, le fait de se concurrencer dans les bonnes œuvres afin d'obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. Quant à la concurrence blâmable, c'est celle qui est liée à ce bas monde et à sa parure. Et plusieurs causes, plusieurs moyens permettent de remédier à cela et de renoncer à cette chose-là. Premièrement, le fait de songer aux mauvaises conséquences qu'engendrent dans ce bas monde les honneurs acquis dans la vie terrestre par le biais du règne et du pouvoir pour celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs ou des devoirs que ses postes requièrent. Deuxièmement, le fait de songer aux châtiments dont les tyrans et les orgueilleux sont passibles pour avoir disputé au Seigneur l'attribut de l'orgueil. Troisièmement, le fait de songer à la récompense réservée à ceux qui font preuve de modestie pour Allah sur terre, récompense qui consiste à être élevé dans l'au-delà. Et quatrièmement, il est donc un moyen qui ne relève pas du pouvoir de l'individu, mais qui plutôt est une faveur et une miséricorde accordée par Allah et qui se matérialise par une récompense anticipée qu'Allah octroie à ses serviteurs qui se sont soumis à lui et qui ont renoncé aux richesses et aux honneurs éphémères. Ces faveurs et cette récompense et les effets de cette miséricorde résident dans les honneurs dus aux piétés de ce genre de personnes et au respect que leur apparence inspire aux gens, ainsi que le bien-être qu'elles ressentent en elles grâce à leur savoir, à leur foi et à leur dévotion. C'est cette vie heureuse qu'Allah a promis à celui qui parmi les croyants, homme ou femme, ferait de bonnes œuvres. C'est cette vie heureuse cette vie rase les rois de la terre. Tout gouverneur et toute autre personne éprise par les gouverneurs n'y ont jamais goûté, comme l'a dit Ibrahim ibn Adham. Si les rois et les fils des rois savaient le bonheur que nous vivons, ils nous fustigeraient à coups d'épée, c'est-à-dire ils chercheraient à nous le prendre avec leurs épées, si jamais ils connaissaient donc le bien-être dans lequel nous sommes. Comme le disait donc Ibrahim ibn Adham, dans ce sens-là, il a été rapporté, il me semble, de Malik ibn Dinar, qu'il disait que ceux qui courent après ce bas monde s'en sont allés et n'ont même pas goûté la meilleure des choses qui s'y trouvent. À partir de là, la question lui fut posée: et quelle est donc la meilleure des choses qui s'y trouvent? Et il a répondu: la connaissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. De même, notons les propos d'une personne qui a dit: c'est en fonction de ta crainte d'Allah que les gens te craindront. Donc ça illustre ce quatrième moyen exposé par Ibn Rajab. C'est en fonction de ta crainte d'Allah que les gens te craindront. En fonction de ton amour pour Allah que les gens t'aimeront. Et en fonction de l'attention que tu prêtes à Allah que les gens se préoccuperont de tes affaires. Qatā al-Hasan, il était un exemple vivant illustrant cela. En effet, personne n'osait lui poser de questions tant ce dernier inspirait un respect mêlé de crainte. Ses amis les plus intimes se réunissaient pour désigner lequel d'entre eux allait l'interroger sur un cas donné. Mais une fois arrivé à son assemblée, aucun d'entre eux ne s'aventurait à le faire. Ils pouvaient rester ainsi à hésiter durant toute une année, tant ce dernier leur inspirait un respect mêlé de crainte. De par le respect mêlé de crainte qu'inspirait Malik ibn Anas, on redoutait de le questionner, au point où l'on a dit à son sujet: il donne la réponse, c'est-à-dire il est capable de la donner. Mais personne n'ose revenir à lui. Ceux qui questionnent ont la tête baissée. Il émane de lui la lumière de la prestance et le pouvoir de la piété. Il est redouté sans avoir d'autorité. Et tel est le lot des ulama de la sunna, qui craignent Allah, tabaraka wa ta'ala, jusqu'à notre époque. Ils se distinguent par cela. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à ceux qui sont morts parmi eux et protège et préserve ceux qui parmi eux sont encore vivants. Et parmi ceux qui appuient ce qu'a avancé ici Ibn Rajab, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait dit dans surat Maryam: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera amour. C'est-à-dire dans le cœur des hommes, comme l'indique le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah aime une créature, il dit: ô Jibril, j'aime un tel. Alors Jibril l'aime, et les habitants du ciel l'aiment, et on lui établit sur terre l'amour des gens. Et c'est là un hadith connu qui figure dans le recueil authentique de l'imam Al-Bukhari. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et on va donc s'en tenir à cela concernant l'explication résumée de ce hadith, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui recherche son agrément et ses faveurs et récompenses dans l'au-delà, et qu'il nous épargne et lave nos cœurs de toute recherche de biens matériels éphémères de ce bas monde, et qu'il nous épargne le fait d'être avides et de rechercher les honneurs de ce bas monde et la notoriété et la réputation. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.